Indian. Yeah. Tu me verras pas ému, même si j'ai la haine quand ton short est du comique aux pieds nus. Je m'adoucis quand elle se dénude. Je veux tout baiser depuis le prélude. Même dans les coraux du daron. Je vais du roro du ballon. Je vais du roro du paper pour essuyer les larmes de la down. Je fais les 100 pas, ça me détend pas. J'ai fait 1000 fois le tour du salon. Je traînais dehors, les mains dans les poches. Mes couilles et des grammes dans le pantalon. On s'allume au sky comme au salon. Le miel remplace les mentalos. Mon cœur est sec, sorry. Une salope m'a rendu salaud. Mon cœur est sec, sorry. Toi et moi, ce sera une sex story. Moi, je suis là que pour le sex story. Moi, je suis là que pour tes fesses. J'ai pas trop le time, faut que j'encaisse. Je me suis promis que je connaîtrais plus la haine. J'ai des cicatrices qui me blessent. Faut pas de caprice, je fais mon feta dans mon coin. Je tire une feta sur mon joint pour oublier tout ce qui m'oppresse. C'est comme ça que je pense mes mots. C'est ce que je pense et je pense mes mots. Quand je te dis que je fais beaucoup plus de blé que toi et ton père. Toi qui veux pas voir un nègre briller. Mon gars, t'es pas prêt de m'oublier. J'sais même plus c'est quoi oublier. J'ai la grenade prête à dégoupiller. Moi, tu sais, j'ai pas grandi comme as. Moi, le Père Noël, j'ai jamais vu sa gueule. J'ai vu que dodo sur la cheminée du voisin. Tu déterres comme un assassin. Y'a la cape qui est là, qui fait l'attitude. Elle me cherche, puis elle fait rouler son bassin. J'ai qu'elle veut faire, je joue avec le machin. Moi, tu sais, j'pense qu'à faire de l'oseille. Tu m'aurais pas calé y'a quelques années. Quand c'était la merde, quand j'vivais du recel. Attends, j'tire un peu, j'ai besoin de planer. Dans mon cerveau, c'est pire que du racel. Même quand je sonne, y'a le seum qui m'harcèle. Même quand je sonne, y'a le seum qui m'harcèle. Donc je marche seul. Car mon cœur est sec, mon cœur est sec, sorry. Mon cœur est sec, mon cœur est sec, sorry. Mon cœur est sec, mon cœur est sec, mon cœur est sec, sorry. Mon cœur est sec, mon cœur est sec, sorry. J'suis un enfant de la patrie, mais la patrie me reconnaît ap. Parce que j'suis black, c'est pas des blagues. Depuis que j'suis petit, j'prends des claques. Ils veulent pas que j'sois de la partie. C'est moi ce que nous fait la police. Au PJ fait des blagues de comique avec son gros nez d'alcoolique. Pour eux que des droits d'honneur, pas de pisse. Je traîne avec ceux qui ne suivent pas de bite. Y'a que pour eux que mon cœur palpite. Moi j'suis grave, sérieux, j'fais palpite. Solo, j'attrape mon stylo. J'écris des rimes d'enculé. J'y vais au kilo, j'suis un des négros les plus stylés. On peut les avis défiler, défiler. J'suis comme mon daron, j'prends sur WAM, j'laisse tout s'empiler. Il m'a dit t'es peur, défiler. Si t'as des larmes, essuie-les. Une gorgée de plus de miel, j'touche les gratte-ciel. J'ai besoin de m'exiler. Dans ce monde superficiel. Dans la vie y'a pas de tuto. Dans la vie y'a pas de mode d'emploi. Y'a pas de didacticiel. Je vois pas le jour au bout du tunnel. Je reste à l'affût en sentinelle. Je fais un petit tour dans la nuit noire. Accélérateur sous la semelle. Je suis défoncé toute la semaine. J'aimerais bien retrouver le sommeil. Moi, tu sais, je pense qu'à faire de l'oseille. Tu m'aurais pas calé il y a quelques années. Quand c'était la merde, quand je vivais du recel. Attends, je tire un peu, j'ai besoin de planer. Dans mon cerveau, c'est pire que du racel. Même quand je sonne, y'a le seum qui m'harcèle. Même quand je sonne, y'a le seum qui m'harcèle. Donc je marche seul car mon cœur est sec. Mon cœur est sec, sorry. Mon cœur est sec. Mon cœur est sec, sorry. Mon cœur est sec, mon cœur est sec, mon cœur est sec, sorry. Mon cœur est sec, mon cœur est sec, sorry. Mon cœur est aride, c'est comme le désert. C'est comme le jack, c'est comme le jack, c'est comme le crack. Solo je me braque, mon cœur est sec, mon cœur est sec, sorry. Mon cœur est sec, mon cœur est sec, sorry.